Chambre 201. Sur la porte, il y a son nom et son prénom, ça me fout en rogne. Je voudrais effacer le prénom, arracher l'étiquette. Personne ne doit savoir, c'est entre elle et moi, le bon bec à la menthe. Elle est seule, assise à côté du lit, un livre dans les mains. Elle se tourne vers moi, sourit et me dit « Vous avez fait vite, comme l'autre fois. » « L'autre fois, vous dormiez, quand je suis venu. » « Je vois que vous allez bien. » « Je vais très bien. » « On vous a dit pour cette nuit ?»« Peu de choses. » « Sûrement pas l'essentiel, mais pour ça, je compte sur vous. » « Je dirai tout, si vous êtes sage. » Nous avons passé l'après-midi à rire et bouffer des chocolats. Jamais encore, je ne l'avais vue aussi joyeuse, d'un esprit aussi vif et clair. La première chose qu'elle exprima, de façon très cohérente, ce fut de se sentir libérée par sa tentative de suicide. Elle employa l'expression sans gêne aucune. Dès l'instant qu'elle avait pensé à sa fille, décidée de vivre, voilà, tout était dit. En rajouter serait superflu. J'étais d'accord. En une nuit, elle avait abandonné le sous-sol, posé les valises au rez-de-chaussée. Il ne restait plus qu'à soudoyer les soignants, leur extirper un visa de sortie, et pour ça, il faudrait sans doute patienter un peu. Elle comptait sur moi dans cette entreprise. J'étais d'accord aussi. J'étais d'accord avec tout ce qui permettrait son retour à la vie. Car quoi qu'elle en pensât, je restais persuadé qu'il s'en était fallu de presque rien, cette nuit-là, peut-être un demi-litre de rhum supplémentaire, pour qu'elle accomplisse son dernier vol plané. « Vous avez une idée de la suite ?» ai-je demandé. « Oui, une assistante sociale est venue me voir ce matin. On ne pourra m'interner si je ne donne pas mon consentement. » « Depuis Camille, les choses ont évolué, heureusement. Je vais passer devant une commission. Il faudra convaincre ces messieurs que je ne suis dangereuse, ni pour autrui, ni pour moi-même, que dans la vie de tous les jours, je n'ai pas un comportement violent. D'où peut-être votre présence en tant que témoin. Mais vous irez dans mon sens, n'est-il pas ? 50 euros, si je vous dénonce pour jet de cafetière électrique. » Elle s'est marrée. « Je n'irai. Ce sera votre parole contre la mienne. » Je ferai appel à Madame Ronski. Nous avons bien déconné. C'était du grand bonheur. Qu'elle ait fabriqué un bon bec à la menthe énorme. De l'euphorie contagieuse. Et pas un seul instant, il ne m'est venu à l'esprit que peut-être, en loose dé, le personnel soignant avait planqué des petites pilules qui font rire dans le café du matin. Si on comprenait tout, d'emblée, la vie serait plus simple. Qu'est-ce que vous lisiez tout à l'heure? Des souris et des hommes. Vous connaissez? Oui, un grand petit livre. Peut-être pas le meilleur à lire quand on est à l'hosto. Elle m'interrompit. C'est drôle, je pensais à vous en le lisant. À moi, oui. Dans le drôle du personnage, bien dans sa tête, tenant à bout de bras son ami, un colosse gentil mais qui n'a pas toute sa connaissance. Vous et moi, en quelque sorte. Attendez de connaître la fin. Vous verrez que je suis très loin du personnage. Il m'a fallu partir, c'était l'heure. Je lui dis que je serai là demain, après-demain. Après-après-demain, qu'elle ne pourrait se débarrasser de moi aussi facilement, que je ferai la grève de la faim, m'attacherai aux grilles du parc avec une chaîne en acier galvanisé, des maillons de 15, tant que ces idiots ne lui auraient pas rendu sa liberté. Je suis sûr qu'elle a tout gobé. Ma foi était si grande. Je suis remonté à l'appartement sans toucher terre, un sourire niais aux lèvres, comme le ravi de la crèche, l'estomac en gargouille. Je me suis rappelé que j'étais à jeun depuis le café bu chez M. et Mme Maréchal. Elle aurait dit chez les maréchaux. Les chocolats croqués ensemble dans sa chambre au mur blanc y pesaient guère. Je me suis fait réchauffer une barquette, décapsuler une bière, et je suis resté longtemps à table, tantôt picorant, tantôt sirotant. Tous ces bidules dans la tête, ces bonheurs mélangés aux douleurs, j'avais le trac d'en bousculer l'assemblage. Fallait pas examiner de trop près le château de cartes au risque de débusquer des menaces tapies dans une pilule. N'était-ce pas elle qui affirmait que le rez-de-chaussée n'était rien d'autre qu'une période transitoire, éphémère, entre la dépression profonde et la bonne santé du premier étage? Une bonne santé qui l'envoyait au Mali sans bagage, ou la repliait dans une baignoire pourrie à 2 heures d'un accouchement par césarienne. La route serait longue, camarade. Madame Roberts ne resta que 3 jours dans les griffes de la médecine. Compte tenu de ses antécédents, ce fut une performance. La commission qui statua ne fit pas appel à mon témoignage, ce dont je me réjouis, mais l'écouta les explications de la patiente, et il faut croire qu'elle fera assez convaincante. Cependant, c'était une liberté sous condition. La tentative de suicide ayant eu lieu sur la voie publique, le sous-préfet exigea un suivi médical dans un service de jour à raison de quelques heures par semaine. Rien de contraignant. Le service était situé près de la bibliothèque municipale. Elle pourra faire coup double, étudier la théorie dans l'œuvre de Freud à la bibliothèque, la mettre en pratique au service de jour. Le succès n'était pas garanti. Le grand Manitou qui a bidouillé l'usine sous le crâne, il avait au moins bac plus 30. Au moins. Ces milliards de petites lumières clignotantes qui se font face, se jactent sans arrêt, se filent des infos, sur le papier tout fonctionne, mais en vrai, à la moindre emmerde, le ciboulot part en vrille. Tu maîtrises plus rien. Catalogué fada camisole. Niveau langage, c'est du chiadé, hein? Rien à voir avec le morse, qui t'appelle au secours avec des points et des traits. Un code à la portée de n'importe quel Pékin, mais coton à déchiffrer, si t'as pas fait un stage. Non, là-haut, c'est plus direct. Tu piges tout de suite le message. Si t'es faiblard, t'as une petite croix verte qui s'allume. Clignote pareil la pharmacie. Et quant à la dalle, c'est un poulet rôti qui bat des cils en jaune doré. Tu peux pas te gourer. Mais gare aux excès. Le circuit est fragile. À la moindre petite étincelle là-dedans, c'est l'invention du siècle qui se barre en cabale. Adieu la renommée. Plus aucune chance de panthéon. T'imagines le grand Albert. Un dixième de seconde de sa théorie et paf, un court-circuit. E égale MC4. La face de l'univers en est changée. Tu vires à l'ouest. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé la psychiatrie. Une science très inexacte, qui fait la fortune des uns et la ruine des autres. Les méthodes thérapeutiques sont très différentes selon les époques, les malades et les sous-préfets. Bien vrai, les docteurs foldingues, ils m'ont toujours si fort effrayé que je les tiens à distance avec un lance-flamme. Eux et moi, on n'est pas copains, mais alors pas du tout. J'oublierai jamais mon arrivée dans le cabinet d'un toubib zinzin, avec sur le dos un pull que m'avait acheté la frangine, un beau pull bleu marine, sur lequel était écrit en lettres rouges « Tiger ». À l'époque, je ne connaissais pas un mot d'anglais, sauf sandwich, Colette non plus, sauf baby, et le pull avait été choisi parce qu'il était beau, pas cher et rien d'autre. Le docteur Foldingue, lui en avait déduit que j'étais un mec violent et agressif comme un tigre. Après ça, t'as plus trop envie. Madame Roberts a eu de la chance. Elle allait au service 2 heures par semaine, le mercredi. Là-bas, on lui apprenait à mijoter en veau maringot, tricoter une écharpe ou encore modeler un cendrier. Elle me racontait toujours les séances thérapeutiques dans le détail, avec de la joie et aussi de l'ironie. La guérison au veau maringot, elle y croyait moyen, tu parles, mais ça la faisait rire, et moi j'étais content de son rire. Je veux revenir aux 3 jours passés à l'hosto dans le service psychiatrique. Chaque après-midi, j'étais sur place pendant les heures autorisées, au garde-à-vous devant mon petit moineau, les doigts sur le képi, prête à satisfaire ses moindres caprices. Elle ne demandait jamais rien. La bouffe lui convenait. Quelquefois, nous la partagions dans la même assiette. Cela me ravissait car je voyais dans ce partage autre chose que de la confiance, un truc proche du baiser sur la bouche, un mélange de salive par purée interposée. Le café n'avait pas la bonne couleur, il était trop pâle. Alors j'apportais un thermos de ce café qu'elle aimait tant, bien noir, bien fort, qui avait accompagné nos longues soirées, par tous les temps, souvent celui de l'orage. Nous parlions sans cesse, de tout et de rien. Un échange réel, loin des soliloques évacués en gerbe. Que faisait-elle, en dehors des visites? Quand elle ne dormait pas, elle lisait beaucoup, surtout des romans. La bibliothèque était bien garnie. Mais elle refusait la télé, qui était gratuite dans ce service, et quand je lui demandais pourquoi, elle remit en cause la malédiction de Vulcain. Une toute petite lumière clignota dans ma tête, mais faible, très faible. Au retour, dans l'immeuble, j'allais faire mon rapport chez M. et Mme Maréchal. Je ne parlais pas de dinguerie, jamais. On en était resté à la chute sans gravité. D'ailleurs, le rétablissement n'était qu'une question de jours. Elle n'oublierait pas les fraises. Au besoin, je le lui rappellerai. Il y avait toujours du porto à l'apéritif, avec des boudoirs un peu secs. J'avais l'impression de faire une plongée dans le passé, à Alfortville, quand Colette et Tariq, son mari, m'invitaient le dimanche matin, 40 ans de ça. Et je trouvais le retour aux sources agréable, bon enfant. Je me forçais à l'écriture, sans grand résultat. Il y avait trop de bonheur en moi pour faire trempette dans le marécage des souvenirs, un bonheur presque étouffant. Ma colère ou ma tristesse, je les évacuais dans une fiction violente et absurde, mais que faire de mon bonheur, sinon le caresser, longtemps, longtemps, comme on caresse une pièce d'or au fond de sa poche, pour s'assurer qu'elle est toujours là, seule, silencieuse, brillante. De ma fenêtre, j'apercevais en contrebas les toits ardoisés gris-bleus de l'hôpital. Une courte distance nous séparait, elle et moi, 1 kilomètre à vol de piaf, pas plus. Et pourtant, j'avais en moi très fort le sentiment qu'au-delà de ce kilomètre, beaucoup d'autres choses nous séparaient, des choses indicibles, des forces puissantes, effrayantes, pas jolies à regarder dans les yeux et qui avançaient. Mais le moyen de contourner. Enfin, le grand jour est arrivé. Résonnez, trompette. J'ai fait le trajet à pince, à la descente, mais au retour, fallait pas lésiner, bigre. J'avais cassé ma tirelire. On a pris un taxi, et ce fut une arrivée triomphale dans l'immeuble qu'un empereur. Il aurait pas fait mieux. Madame Bon, la fausse concierge, se cassait les reins à coups de balai-brosse. Et que je te frotte, et que je te serpille. Madame Roberts a mis son bras autour de ma taille, s'est soulevée sur les pointes, m'a cloqué une bise à la joue et elle a lancé. Je vous ramène mon fils, Madame Bronski, le vilain, il avait fait une fugue. Dans l'ascenseur, elle est redevenue sérieuse, intimidée presque. Elle regardait ses pompes et dans l'appartement plus encore. Sûre que l'endroit lui rappelait des scènes pas faciles à repasser, des cris et de la fureur, un chaos mental toujours renié. Peut-être qu'à cet instant, Madame Roberts, elle a eu la vague impression d'un vol à l'esbrouf, une tromperie sur la marchandise, que les dés étaient pipés. Nous nous sommes posés. Je lui ai dit que j'avais promis au maréchal de venir boire l'apéritif avec elle, dès la guérison. Elle a demandé s'ils étaient au courant. Non. Vous avez fait une chute dans la campagne, en voulant cueillir des graines. Y posons pas de questions, mais rappelez-moi demain d'acheter des fraises. Voilà. Je n'ai pas trop le désir de m'étendre sur cette période d'un retour à la vie. Comme d'habitude, monsieur et madame Maréchal ont été adorables, le porte bien frais et les boudoirs toujours aussi secs. Nous avons dîné en tête à tête et presque en silence. Elle n'était pas triste, mais elle n'était pas gaie non plus. C'est seulement au café qu'elle a repris un peu de couleur. Vers minuit, elle m'a demandé si je voulais la raccompagner. Quelle question! Elle serait bien restée, mais non. Nous avons fait le chemin en silence. Devant la porte, je lui ai demandé si elle perchait toujours au premier étage. Elle a souri. « Demain, toute la journée, j'aurai beaucoup de choses à faire, » a-t-elle dit. « Je ne viendrai chez vous qu'à 20 heures. »« Oui, bien sûr. »« Et si vous êtes d'accord, je resterai dormir. » Puis elle a encore dit, « C'est que j'ai mes petites habitudes, moi, n'est-il pas ?»